décembre. Le hibou, parmi les décombres, hurle et décembre va finir. Et le douloureux souvenir sur ton cœur jette encore ses ombres. Le vol de ces jours que tu nombres, l'aurais-tu voulu retenir? Combien seront dans l'avenir brillants et purs, et combien sombres? Laisse donc l'aisance épuisée, que de larmes pour un baiser, que d'épines pour une rose. Le temps qui s'écoule fait bien, et mourir ne doit être rien, puisque vivre est si peu de choses. François Copé.